Section 11 de Le Loup Blanc par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 16, chapitre 17. Chapitre 16, le conseil privé de Monsieur de Vaunois. Tout reposait au château, ou du moins c'était l'heure propice. Le capitaine Didier dormait, rêvant peut-être de l'humble fille de la forêt qui avait ranimé en lui les souvenirs de l'adolescence, le premier, le plus pur battement de son cœur. Nous ne saurions dire pourtant qu'il eût revu sans émotion aucune cette belle Alix de Vaunois, qui avait autrefois accepté sa recherche, mais notre Didier était un loyal enfant et il n'avait qu'une foi. Béchamel dégustait en songe un blanc manger. Mademoiselle Olive bâtissait un superbe château en Espagne où elle se voyait la dame d'un gentil officier de Sa Majesté le roi Louis XV, à qui la fée protectrice des vieilles demoiselles l'avait unie en légitime mariage. Parmi ceux qui veillaient, nous citerons Jude d'abord. Le bon écuyer arpentait sa chambre et demandait à son honnête cervelle un moyen de retrouver le fils de Trême. Alix, de son côté, cherchait en vain le sommeil et combattait la fièvre, car elle avait souffert ce soir. Elle ne voulait point interroger son cœur, et son cœur parlait en dépit d'elle. Elle se souvenait. Elle avait cru autrefois qu'on la payait de retour. Jusqu'alors, elle n'avait vu d'autre obstacle entre elle et le bonheur que son devoir ou la volonté de son père. Maintenant, c'était un abîme qui s'ouvrait devant elle. Didier l'avait oublié. Enfin, dans l'appartement privé de Monsieur de Vaunois, dont la double porte était fermée avec soin, trois hommes étaient réunis et tenaient conseil. C'était Monsieur de Vaunois lui-même, Alain son maître d'hôtel et le valet Lapierre. Alain était maintenant un vieillard. Sa rude physionomie, sur laquelle l'ivresse de chaque jour avait laissé d'ignobles traces, n'avait d'autre expression qu'une dureté stupide et impitoyable. Lapierre pouvait avoir de 45 à 50 ans. Son visage ne portait point le caractère breton. Il était en effet originaire de la partie méridionale de l'Anjou. Jusqu'à l'âge de 25 ans, il avait exercé, çà et là, la respectable et triple profession de marchand de vulnéraires, avaleur de sabres et sauteur de cordes. À cette époque, il parvint à entrer comme valet de pied dans la maison de Monseigneur de Toulouse, qui n'était point encore gouverneur de Bretagne. Lapierre avait alors avec lui un jeune enfant qui n'était point son fils et dont il se servait pour attirer le public à ses parades. L'enfant était beau, le comte de Toulouse le prit en affection et en fit son page. Puis, au bout de quelques années, le mit au nombre des gentilshommes de sa maison. Lapierre, resté valet, conçut une véritable rancune contre l'enfant, autrefois son esclave, et maintenant son supérieur. Lors du séjour à Rennes du prince gouverneur de Bretagne, il se présenta chez Vaunois et lui demanda un entretien particulier. Cette conférence fut longue et Vaunois changea plus d'une fois de couleur aux paroles de l'ancien saltimbanque. Lapierre, avant de sortir, reçut une bourse bien garnie et peu de jours après, Vaunois le prit à son service. À dater de ce moment, le nouveau maître de la Trémelay commença à faire un grand accueil au jeune page Didier, ce qui donna de furieux accès de jalousie à Antinous Béchamel, marquis de Nointel. Ce fut peu de semaines après que Didier fut traîtreusement attaqué de nuit dans les rues de Rennes. Il était plus de minuit. Hervé de Vaunois allait et venait avec agitation, tandis que ses deux serviteurs se tenaient commodément assis auprès du foyer. Lapierre se balançait en équilibre sur l'un des pieds de sa chaise, avec une adresse qui se ressentait de son métier. Maître Alain caressait sous sa jaquette le ventre aimé de certaines bouteilles de fer-blanc, large, carré, toujours pleine d'eau-de-vie, à laquelle il guettait l'occasion de dire deux mots et semblait combattre le sommeil. « Saint Dieu, Saint Dieu, Saint Dieu !» s'écria par trois fois Monsieur de Vaunois, qui frappa violemment du pied et s'arrêta juste en face de ses acolytes. Maître Alain sauta comme on fait quand on s'éveille en sursaut. Lapierre ne perdit pas l'équilibre. « Vous étiez trois contre un !» reprit Vaunois, dont la colère allait croissant. C'était la nuit, trois bonnes rapières, la nuit, contre une épée de balle, et vous l'avez manqué. « J'aurais voulu vous y voir, » murmura pesamment Alain. Le jeune drôle se débattait comme un diable. Je veux mourir si je ne sentis pas 10 fois le vent de son arme sous ma moustache. D'ailleurs, c'est une vieille histoire. Moi, je sentis son arme de plus près, dit la pierre, qui écarta le col de sa chemise pour montrer une cicatrice triangulaire. Et Joachim, notre pauvre compagnon, la sentit mieux que moi, car il resta sur la place. Je prie Dieu qu'il ait son âme. « Ainsi soit-il, » grommela maître Alain. « Je prie le diable qu'il prenne la vôtre !» s'écria Vaunois. « Tu as eu peur, maître Alain, et toi, la pierre, méchant batteleur, tu t'es enfui avec ton égratignure. » « Il aurait fallu faire comme Joachim, n'est-ce pas ?» demanda le maître d'hôtel avec un commencement d'aigreur. « Oui, je sais bien que vous nous aimeriez mieux mort que vivant, notre monsieur. Tais-toi » interrompit Hervé qui haussa les épaules. Alain obéit de mauvaise grâce et monsieur de Vaunois reprit sa promenade enragée, frappant du pied, serrant les poings et murmurant sur tous les tons son juron favori. Les deux valets échangèrent un regard. « Ça va lui coûter 2 louis d'or. » dit tout bas la pierre. Maître Alain saisit ce moment pour avaler une rasade en faisant un signe de tête affirmatif, et tous deux se prirent à sourire sournoisement comme des gens sûrs de leur fait. Au bout de quelques minutes, Vaunois s'arrêta en effet subitement et mit la main à sa poche. « Saint Dieu ! » dit-il, en reprenant son patelin sourire, « je crois que je me suis fâché, mes dignes amis. La colère est un péché. J'en veux faire pénitence. » Et voici pour boire à ma santé, mes enfants. » Il tira 2 louis de sa bourse. Les deux valets prirent et la paix fut faite. « Raisonnons maintenant, » poursuivit Vaunois. « Comment sortir d'embarras ?»« Quand j'étais médecin ambulant, » répondit la pierre, « et qu'une dose de mon élixir ne suffisait pas, j'en donnais une seconde. »« C'est cela !» s'écria le majordome à qui la bouteille carrée donnait de l'éloquence. « Il faut doubler la dose !» « Nous étions 3, nous mettrons 6. »« Et cette fois, je réponds de la cure, » ajouta l'ex-batteleur. Vaunois secoua la tête. « Impossible, » dit-il. « Pourquoi cela ?»« Parce qu'il se méfie. D'ailleurs, les temps sont changés. Autrefois, c'était un jeune fou, courant les aventures, et sa mort n'eût point excité de soupçons. Je n'étais pas chargé de la police des rues de Rennes. Maintenant, c'est un officier du roi. Il est mon hôte pour le bien de l'État. » Son séjour à la Tremblay a quelque chose d'officiel. La sainte hospitalité, mes enfants, défend formellement de tuer un hôte, à moins qu'on ne le puisse faire en toute sécurité. Alain et la pierre firent à cette bonne plaisanterie un accueil très flatteur. « Il faut trouver autre chose, » continua monsieur de Vaunois. Maître Alain se creusa la cervelle, la pierre fit semblant de chercher. « Eh bien, » demanda Hervé au bout de quelques minutes, « je ne trouve rien, » dit le majordome. « Rien, » répéta la pierre, « si ce n'est peut-être... Mais le poison ne vous sourit pas plus que le poignard, sans doute. Encore moins, mon enfant, saint Dieu, c'est une malheureuse affaire. D'un jour à l'autre, le hasard peut lui révéler ce qu'il ne faut point qu'il sache. Et qui me dit d'ailleurs qu'il ne sait rien ? Quelle chambre lui a-t-on donnée ?»« La chambre de la nourrice, » répondit Alain. « Vous l'avez conduit jusqu'à la porte. » Vaunois devint pâle. « La chambre de la nourrice » répéta-t-il en frémissant. « La chambre où était autrefois le berceau. Et je n'ai pas pris garde. »« Bah !» fit la pierre. « Une chambre ressemble à une autre chambre. Après si longtemps. » « C'est évident !» appuya le majordome qui dormait aux 3/4. Ceci ne parut point rassurer monsieur de Vaunois qui reprit avec inquiétude. « Et ce valet malade ?» Il semblait avoir intérêt à se cacher. Quel homme est-ce ? Quant à cela, repartit la pierre, c'est plus que je ne saurais dire. Il tenait son manteau sur ses yeux et je n'ai même pu voir le bout de son nez. C'est étrange, murmura Vaunois, porté comme toutes les âmes bourrelées à voir l'événement le plus ordinaire sous un menaçant aspect. Je n'aime pas cette affectation de mystère. Je voudrais savoir quel est cet homme. Je voudrais... « Demain, il fera jour !» interrompit philosophiquement l'ancien saltimbanque. « Cette nuit, tout de suite !» s'écria Vaunois d'une voix brève et comme égarée. « Quelque chose me dit que la présence de cet homme est un danger ou un malheur. Suivez-moi » La pierre fut tentée de répondre que, selon toute apparence, le capitaine et son valet dormaient tous deux à cette heure avancée de la nuit. mais Vaunois avait parlé d'un ton qui n'admettait point de réplique. Les deux serviteurs se levèrent, Vaunois ouvrit sans bruit la porte de son appartement, et tous trois s'engagèrent dans le corridor qui régnait d'une aile à l'autre. Après avoir fait quelques pas, Hervé s'arrêta et pressa fortement le bras de son majordome. « Il ne dorme pas, » dit-il à voix basse, en montrant un petit point lumineux qui brillait dans l'ombre à l'autre bout du corridor. C'était en effet de la chambre occupée par le capitaine que partait cette lueur. « Que peuvent-ils faire à cette heure ?» reprit Vaunois. « S'ils s'entretiennent, nous écouterons. Quelque mot viendra bien éteindre ou légitimer ma frayeur. Et si j'ai raison de craindre, s'il sait tout ou seulement s'il soupçonne, saint Dieu, sa mission ne le sauvera pas. » Ils continuèrent de se glisser le long des murailles. Le majordome, qui s'était complètement éveillé, marchait le premier. En arrivant auprès de la porte du capitaine, il colla son œil à la serrure. Jude était agenouillé au chevet de son lit et priait, la tête entre ses deux mains. Maître Alain ne pouvait voir son visage. Au bout de quelques secondes, le vieil écuyer termina sa prière et se redressant, la lumière tomba d'aplomb sur son visage. Maître Alain se rejeta violemment en arrière. « Je connais cet homme, » dit-il. Vaunois le repoussa et mit à son tour son œil à la serrure, mais il ne vit plus que la mèche rouge et fumeuse de la résine que Jude avait éteinte avant de se jeter sur son lit. « Saint Dieu, » gronda-t-il en se relevant, « tu le connais, dis-tu ? Qui est-ce ? » Maître Alain se pressait le front, cherchant à rappeler ses souvenirs. « Je le connais, je l'ai vu, » dit-il enfin. « Mais où ? Je ne sais. Mais quand ? Il doit y avoir bien longtemps. » Vaunois dévora un blasphème, et le philosophique Lapierre répéta « Demain, il fera jour. » Chapitre 17. Visite matinale. Bien avant le jour, Jude Lecker était sur pied. Il se leva sans bruit, afin de ne point éveiller son maître qui dormait comme on dort à 25 ans, après un long et fatigant voyage. Quoique le crépuscule n'éclairât point encore la nuit des interminables corridors, Jude y trouva son chemin sans tâtonner. Il était né au château et l'avait habité durant 40 années. Laissant le grand escalier, dont la double rampe desservait le premier étage, il gagna l'office et prit un couloir étroit qui conduisait au commun. Beaucoup de choses avaient changé dans les coutumes de la Trémelay, mais les logements des serviteurs avaient gardé leurs dispositions primitives. Sans cette circonstance, l'excellente mémoire de Jude ne lui eut point été d'un grand secours. Il compta 3 portes dans la galerie intérieure des communs et frappa la 4e. Il est à croire que Dame Gothon Réoux, femme de charge du château, ne recevait point d'ordinaire ses visites à heure si indue. La bonne dame avait 60 ans, et à cet âge, les femmes de charge ne craignent que les voleurs. Elle dormait ou faisait la sourde oreille, Jude ne reçut point la réponse. Il frappa de nouveau et plus fort. « Béni Jésus !» dit la voix enrouée de la vieille dame. « Le feu est-il au château ?»« C'est moi, c'est Jude !» murmura celui-ci en frappant toujours. « Jude, l'écœur !» Gothon n'était point une femmelette. Elle prit un gourdin et s'en vint ouvrir, bien que son oreille, rendue paresseuse par l'âge, n'eût pas saisi une syllabe des paroles de Jude. « On y va » grommelait-elle. « Si ce sont les loups, eh bien, je leur parlerai du vieux Trémel. Ils ne toucheront pas un fétu dans la maison qui fut la sienne. Si ce sont des esprits... » Elle fit un signe de croix et s'arrêta. « Ouvrez donc !» dit Jude. « Si ce sont des esprits, » continua la vieille, « eh bien, bah, ils auraient aussi bien passé par le trou de la serrure. » Elle ouvrit et mit son gourdin en travers. « Qui vive ? » dit-elle. « Chut, dame ! Silence, au nom de Dieu ! » !»« Qui vive ? » répéta l'intrépide vieille en levant son bâton. Jude le saisit, entra, ferma la porte et répondit « Un homme dont il ne faut point répéter le nom sans nécessité dans la demeure de Trémel. » « La demeure de Trémel ? » répéta Gothon, qui sentit tressauter son cœur à ce nom. « Merci, qui que vous soyez. Il y a 20 ans que je n'avais entendu donner son véritable nom à la maison qu'habite Hervé de Vaunois. » Jude tendit sa main dans l'ombre. Celle de Gothon fit la moitié du chemin. Elle n'avait pas besoin de voir. Ce fut comme un salut mystérieux entre ses 2 fidèles serviteurs. « Mais qui donc es-tu, brave cœur ? » demanda enfin la vieille femme. « Toi qui te souviens de Trémel. » Jude prononça son nom. Jude ! S'écria Goton, oubliant toute prudence. Jude l'équerre, l'écuyer de notre monsieur ! Oh, que je te vois, mon homme, que je te vois ! Tremblante et empressée, elle courut à tâtons, cherchant son briquet et ne le trouvant point. Elle remua les cendres de son réchaud. Enfin, sa résine s'alluma. Elle regarda Jude longtemps et comme en extase. « Et lui ? » dit-elle. « Monsieur Nicolas, le reverrons-nous ? » ?»« Mort, » répondit Jude. Goton se mit à genoux, joignit ses mains et récita un De Profundis. De grosses larmes coulaient lentement le long de sa joue ridée. Quiconque l'aurait vu en ce moment se serait senti puissamment attendri, car rien n'émeut comme les larmes qui roulent sur un rude visage, et telle qui passe en souriant devant deux beaux yeux en pleurs, pâlit et souffre quand il voit s'humecter la paupière d'un soldat. Jude se tut tant que Goton priant. Il semblait qu'il voulût maintenant prolonger son incertitude et qu'il recula, effrayé devant la révélation qu'il était venu chercher. Lorsqu'il prit la parole, ce fut d'une voix altérée. « Et le petit monsieur ? » dit-il enfin avec effort. « Georges Tremble, 20 ans se sont écoulés depuis que je l'ai vu pour la dernière fois, le cher et noble enfant, sourire et me tendre ses petits bras dans son berceau. « Mort, mort aussi !» prononça Jude, dont le robuste corps s'affaissa. Il mit ses deux mains sur son visage, sa poitrine se souleva en un sanglot. « Je n'ai pas dit cela !» s'écria Goton. « Non, je ne l'ai pas dit, et Dieu me préserve de le croire. Pourtant, hélas, Jude, mon ami, depuis 20 ans j'espère, et chaque année use mon espoir. » Jude attacha sur elle ses yeux fixes. Il ne comprenait point. « Oui, reprit-elle, je voudrais espérer. Je me dis, quelque jour je verrai revenir notre petit monsieur, grand et fort, la tête haute, la mine fière, l'épée au flanc. Hélas, hélas, il y a si longtemps que je me dis cela. Mais enfin, dame, que savez-vous sur le sort de Georges Tremble ? Je sais, je ne sais rien, mon homme. Un soir, approche ici, car il ne faut point dire cela tout haut. Un soir, il y a 19 ans et 5 mois, ah, j'ai compté. Hervé de Vaunoy revint tout pâle et l'œil hagard. Il nous dit que l'enfant s'était noyé dans l'étang de la Tremblay. On courut, on sonda le fond de l'eau, mais on trouva point le corps de Georges. Jude écoutait, la poitrine haletante, l'œil grand ouvert. « Et c'est sur cela, interrompit-il, que se fonde votre espoir ?»« Non. Te souvient-il d'un pauvre innocent de la forêt que l'on nommait le mouton blanc ?»« Je me souviens de Jean Blanc, dame. Pauvre créature, il aimait Tremble presque autant que nous l'aimons. »« Mais Georges, Georges !» interrompit encore Jude. « Eh bien, mon homme, Jean Blanc racontait d'étranges choses dans la forêt. Il disait qu'Hervé de Vaunoy avait jeté à l'eau le petit monsieur de ses propres mains. »« Il disait cela ?» s'écria Jude, dont l'œil étincelant. « Il disait cela, oui. Et quoiqu'il passât pour un pauvre fou, je crois qu'il disait vrai toutes les fois qu'il parlait de Tremble. Mais ce n'est pas tout. Jean Blanc ajoutait qu'il avait plongé au fond de l'étang et ramené M. Georges évanoui. « Ah !» fit le bon écuyer avec un long soupir de bien-être. Puis, poursuivit Goton, il fut pris d'un de ses accès, et le pauvre enfant resta seul sur l'herbe, et quand le mouton blanc revint, il n'y avait plus d'enfant. « Ah ! » fit encore Jude. « Et il y a 20 ans de cela, mon homme. » Jude demeura un instant comme atterré. « Oui, Jean Blanc, » dit-il ensuite, « je veux le voir. » Goton secoua lentement sa tête grise. « Pauvre créature ! » dit-elle encore. « Il ne fait pas bon pour un pauvre homme affronter la colère d'un homme puissant. » Hervé de Vaunoy apprit les bruits qui couraient dans la forêt. On tourmenta Mathieu Blanc et son fils par rapport à l'impôt. Le vieillard mourut, le fils disparut. Quelques-uns disent qu'il s'est fait loup. « J'ai déjà entendu prononcer ce mot. Quels sont ces gens, dame ?»« Ce sont des Bretons, mon homme, qui se défendent et qui se vengent. On leur a donné ce nom parce que leur retraite avoisine la fosse aux loups. Chacun sait cela, mais nul ne pourrait trouver l'issue par où l'on pénètre dans cette retraite. Eux-mêmes semblent prendre à tâche d'accréditer ce sobriquet qui fait peur aux poltrons. Leurs masques sont en peau de loup. Il n'y a que le chef qui porte un masque blanc. « J'irai trouver les loups, » dit Jude. La vieille dame réfléchit un instant. « Écoute, » reprit-elle ensuite, « il est un homme dans la forêt qui pourrait te dire peut-être si Jean Blanc existe encore. Cet homme est un Breton, quoiqu'il feigne souvent de parler comme s'il avait le cœur d'un Français. Il me souvient qu'au temps où il vint s'établir de ce côté de la forêt, les sabotiers disaient que sa fille, qui était alors un enfant, avait tous les traits de la fille de Jean Blanc, le pauvre fou. Certains même affirmaient la reconnaître. Où trouver cet homme ? Sa loge est à 100 pas de Notre-Dame de Miforêt. Il se nomme Pélorouan le charbonnier. Le jour commençait à poindre. La résine pâlissait aux premiers rayons du crépuscule. « Au revoir et merci, dame, » dit Jude. « Je verrai Pélorouan avant qu'il soit 1 heure. » Il serra la main de Goton et sortit. « Que Dieu soit avec toi, mon homme, » murmura la vieille femme de charge en le suivant du regard pendant qu'il traversait les corridors. Il y avait longtemps que mon pauvre cœur n'avait ressenti pareille joie. « Que Dieu soit avec toi, et puisses-tu ramener en ces domaines l'héritier de Trême ?» Goton avait plus de désir que d'espérance, car elle secoua tristement la tête en prononçant ces dernières paroles. Fin de la section 11.